بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثلة في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ما زلنا في دراسة القاعدة السادسة في باب قواعد الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فنواصل دراستنا في هذه القواعد Donc on va continuer inshallah sur l'étude des règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on est toujours sur l'étude de la sixième règle concernant les attributs. La sixième règle concernant As-Sifat. Et dans cette sixième règle, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin, nous enseigne que lors de l'affirmation des attributs divins, des attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut renoncer à deux mahdhurat, à deux interdits, à deux mahdhurat, deux interdits, qui sont At-Tamthil ou At-Takif. Donc il faut renoncer à ce qu'on appelle At-Tamthil ou At-Takif. Et dans les assises précédentes, on avait bien explicité le sens de At-Tamthil et le sens de At-Takif avec les exemples. Et donc aussi bien pour At-Tamthil et aussi bien pour At-Takif, l'auteur nous a mentionné les preuves qui indiquent le fait de renoncer au tamthil et au takif. Et aussi bien, il a mentionné les preuves scripturaires, c'est-à-dire textuelles, que des preuves rationnelles. Ce qu'il nomme al-adillat sam'iyya ou al-adillat al-aqliyya. Et donc, aussi bien pour l'interdit du tamthil, il a mentionné des preuves du Coran et aussi des preuves rationnelles. Et aussi bien pour Takif, on a appris certaines preuves dans le Coran, et aussi des preuves rationnelles. Jusqu'à ce qu'ensuite, d'une manière très pertinente, l'auteur, dans son œuvre, mentionne la célèbre parole de l'imam Malik. Lorsqu'un homme s'est présenté à l'imam Malik, et lui a demandé au sujet de l'istiwa. Au sujet de l'istiwa, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Ar-Rahmanu ala l'arshi istawa » Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Il demanda à l'imam Malik, et comment s'est-il établi, élevé au-dessus de son trône? Et là, il est rapporté que l'imam Malik a baissé la tête, il fut pris d'une sueur, une sueur qui apparut sur son visage, ensuite il leva la tête et lui répondit. Et donc là, l'auteur va, Cheikh Al-Uthaymeen, va dans son explication bien expliquer la parole de l'imam Malik, à savoir qu'il est très rare de trouver un livre de croyance dans le dogme, dans ce domaine-là, lorsque les savants traitent cette question-là sans qu'ils mentionnent la parole de l'imam Malik. C'est devenu une référence. Pourquoi ? Parce que dans sa réponse, il y a une règle qu'on peut adopter et pratiquer à travers l'affirmation de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, celle-ci, d'une manière très précise, il répond à la question de l'istiwa, mais aussi, on peut l'appliquer pour les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans l'explication du athar, c'est très important, donc, concentrez-vous bien pour bien comprendre la parole de l'imam Malik, rahimahullah wa ta'ala. D'abord, l'imam Malik s'appelait al-imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-imam al-hafidhu faqih al-umma Cheikh al-Islam, Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani, الأصبحي المدني الفقي إمام دار الهجرة حدث عن نافع وعن زهري وخلق من أهل الحديث وقال عبد الرزاق في حديث يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طالب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة فكنا نرى أنه مالك وقال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم ولولا مالك لذهب علم الحجاز لمن مالك Il se nommait Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Imam. Son nom était Malik, fils de Anas, fils de Malik, fils de Abu Amir. Il est considéré comme un grand imam, al-Hafiz, l'érudit, le juriste de la nation, Sheikh al-Islam, le savant, le Sheikh de l'Islam, Abu Abdillah, et son surnom était lui aussi Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani al-Faqih et il était surnommé l'imam de la demeure de l'émigration. Et l'imam Malik rapportait des récits, justement a entendu des récits, il est l'auteur du célèbre livre Al-Muwatta. Al-Muwatta, cette compilation et ce recueil de hadith qui a été fait bien longtemps avant le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam Muslim et d'autres. L'imam Malik est venu avant l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, il est venu avant l'imam Muslim et d'autres grands imams. Et c'est pour cela qu'il est rapporté que l'imam Malik est rapporté par exemple de Nafi'a. Et Nafi'a, cet homme-là, était l'affranchi de Abdallah ibn Omar, c'était son affranchi et son disciple. De ce fait, Nafir, cet homme qui était affranchi du compagnon Abdallah ibn Omar, rapporte beaucoup de récits de Abdallah ibn Omar. Et lui, l'imam Malik, il a entendu des récits et a appris des récits directement de Nafir. C'est pour ça que les savants, ils appellent cette chaîne de transmission, c'est une chaîne de transmission qu'on appelle Thulathi. Il y a trois. Et il l'appelle d'or, c'est la chaîne de transmission d'or, car il y a très peu d'hommes entre le rapporteur et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une isnad qu'on appelle haute. Moins il y a d'hommes dans la chaîne de transmission, moins il y a de probabilité d'erreur. C'est pour ça que regardez, l'imam Malik, par exemple, rapporté de Nafir à Nafir d'après Abdallah ibn Omar et Abdallah ibn Omar d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rapporté d'après de grands imams aussi. Donc c'était un savant érudit dans la science du hadith, mais aussi érudit dans la science et le domaine de la jurisprudence. De ce fait, il devint une grande référence en son temps, jusqu'à ce qu'un grand savant disait « On est sur le point d'arriver à une ère, une époque, que même si l'homme, il parcourait des distances, il faisait un voyage avec son chameau, sa monture, pour aller trouver un savant, فَلَا يَجِدُونَ عَلِيمًا il ne trouverait point de savant plus savant que le savant de Médine. » Et les savants ont dit qu'ils voulaient sous-entendre l'imam Malik. C'est-à-dire que Abd al-Razzaq disait « On est sur le point d'arriver à une ère que celui qui prend sa monture, entreprend un voyage pour aller à la recherche d'un savant, il ne trouverait pas plus savant que le savant de Médine qui est l'imam Malik. Qalu fakunna nara annahu Malik. Et les gens de cette époque disaient, et nous on considérait que c'était Malik. Wa qala al-imam al-Shafi'i, c'est pour ça qu'il est rapporté que l'imam al-Shafi'i disait, idha dhukira al-ulama fa Malik al-Najm. Lorsque les savants sont évoqués, Malik, lui, est considéré comme l'étoile. Walaoula Malik, la Zahaba, Ilmul Hijaz. Et il a été dit, et si ce n'était pas Malik, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, si ce n'était pas Malik, la science de la péninsule arabique serait disparue, aurait disparu. Alors l'imam Malik, il est rapporté dans cette histoire, lorsque cet homme lui a demandé au sujet de l'istiwa, on va prendre l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen concernant la parole. Donc on avait dit, premièrement, en ce qui concerne le questionneur, celui qui questionna l'imam Malik, les probabilités de cause de sa question sont multiples. Soit il pose la question et c'est un istifham, il est munkir, comme l'explique ici Cheikh, il dit Hada istifham ou munkir, celui qui pose la question c'est pour désapprouver. C'est une question de désaveu. C'est-à-dire que peut-être il y a probabilité que celui qui pose la question lui désavoue l'affirmation de l'attribut de l'istiwa. Et donc, il pose la question à titre de désaveu. Pour contredire, en quelque sorte. لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُ الْإِسْتِوَى. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà, à cette époque, des gens qui reniaient صِفَةَ الْإِسْتِوَى, qui reniaient l'attribut de l'istiwa, de l'élévation ou de l'établissement sur le trône. Ou bien, قِلَا يُحْتَمَلْ أَنَّ سُؤَلُهُ هَذَا سُؤَلْ تَحَدِّينَ. Ou bien, on avait dit, il y a supposition, probabilité, c'est une question en quelque sorte de défi, où il y a un défi. De sorte que, إذا كنت تثبت استواء بالمعنى فأثبته بالكيفية. De sorte, c'est comme si il pose la question et le défi serait, si tu affirmes qu'il y a l'affirmation, tu affirmes l'attribut de l'istiwa, alors affirme le comment. Et comme nous, ce qu'on a appris précédemment, c'est que on affirme l'attribut sans connaître le comment. On n'affirme pas connaître le comment de l'attribut, comme on a explicité cela dans les assises précédentes. Et donc, ensuite, il y a probabilité aussi que annahu su'al istirshad, que ce soit une question d'orientation, c'est-à-dire que vraiment, véritablement, le questionneur voulait orienter et chercher une réponse véritable à cette question. Et lui, en pensant que cette question est permise. Pourquoi ? Parce que comme on va l'apprendre, cette question, et comme on l'a appris, il est interdit de se poser ce genre de question. Comment ? Le comment de l'attribut, on a appris dans les assises précédentes, qu'on ne se pose pas, on ne s'imaginait pas cela. Voilà. Et lui, peut-être, pensait que ce genre de question était permise. Il dit, toutes ces probabilités, elles sont possibles concernant le questionnaire. Fal jawab. Ensuite, l'imam Malik, alors, avant de répondre, il baissa la tête, fit pris d'une sueur, il rougit. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, tellement la question concernant al-istiwa, c'est tellement quelque chose de azim que l'imam Malik a réagi de la sorte. فَإِنْ قِيلَ مَا الْجَوَابُ عَمَّا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْأُمَّةِ عَلِي الْاَعْتِقَادِ عَلِي الْإِمَامِ أَحْمَدِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْقِيَامَةِ وَمَا أَجْبَهَ هَذِي الْأَحَدِثِ. Ça, sur cette partie-là qu'on avait déjà lu en arabe, on reviendra pour la traduire ensuite. فَالْجَوَابَ النَّقُولِ. Sur cette partie-là aussi, on reviendra. وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولِ. Donc l'imam Malik ensuite répond à l'homme en lui disant Al-Istiwa Ghayru Ma'loum. Dans une riwaya, donc dans une version, Al-Istiwa, donc maintenant on n'a plus besoin de le traduire, l'Istiwa n'est pas inconnu. Dans une version, on retrouve Al-Istiwa ou Ma'loum, est connu. Ici, c'est-à-dire que le sens de l'Istiwa dans la langue arabe, comme cela a été révélé, le sens de l'istiwa, on le connaît. C'est pas quelque chose d'inconnu pour nous. C'est pas quelque chose pour nous d'inconnu. C'est pour ça qu'il est dit aussi al-ma'na ma'loum, le sens est connu. Par contre, ensuite, il dit wal-kayfu ghayru ma'qul. Ensuite, il dit, après avoir dit al-istiwa ma'loum ou ghayru majhoul, والكيف غير معلوم في رواية dans une version ou bien ici غير معقول. Le كيف par contre n'est pas concevable, n'est pas connu, le comment. Et c'est le sujet du chapitre, ou bien de la règle. Le comment, on en a longuement discuté dans la dernière assise. Lorsqu'il dit le comment, et donc là, on a la preuve que déjà dans les premiers siècles, les grands savants de la Sunna enseignaient que, et ça c'est important de le mémoriser et de le comprendre, que déjà depuis les premiers siècles, l'enseignement des savants de la Sunna concernant le comment de l'attribut était qu'on ne le connaît pas, qu'il n'est pas concevable, qu'on ne peut pas se l'imaginer. Ay la yudraku bil aql, c'est-à-dire que celui-ci, le comment de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, n'est pas concevable par la raison. Pourquoi ? Parce que la raison humaine est limitée. Elle ne peut pas concevoir le comment de l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous vous rappelez, on avait dit une règle, que al-kalamu fi sifat, kal-kalamu fi dhat. Et parler des attributs d'Allah, c'est comme parler sur l'être. Fi dhat, c'est comme parler sur l'être d'Allah, azza wa jal. Wa hadhihi qa'ida muhimma. Ça, c'est une règle importante. Donc, à savoir que lorsqu'on parle des attributs du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si qu'on parle de l'être. Et du fait qu'on ne connaît pas le comment de l'être d'Allah azza wa jal, la na'alam kayf al-dhat, kayfiyat al-dhat, on ne connaît pas le comment de al-dhat, alors, de la même manière, on ne connaît pas le comment des attributs. Comme on l'avait explicité cela dans ce qui a précédé. Et l'auteur ici nous dit, أي لا يدرك بالعقل لأن العقل لا يمكن أن ينتهي إلى معرفة الكيفية. Donc avec notre raison, la raison humaine, celle-ci ne peut pas concevoir le comment de l'attribut du Créateur subhanahu wa ta'ala, car elle est limitée. Elle ne peut pas atteindre la connaissance du comment de l'attribut. وإذا كان لا يدرك بالعقل فَإِنَّهُ يُدْرَكُ بِطَرِيقِ النَّقْلِ وَلَا يُنْقَلْ طيب. Regardez la précision très pertinente que nous donne le Cheikh ici, Ibn Al-Thaymin, rahimahullah. Il dit, si maintenant notre raison humaine, elle est limitée, elle ne peut pas concevoir, elle ne peut pas atteindre la connaissance de l'kayfiyya, du comment de l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Donc si Al-Aql ne peut pas concevoir cela, alors on peut concevoir cela par quelle voie ? Par la voie du Naql. Si par la voie du Aql, en arabe la raison humaine, si on ne peut pas concevoir le comment de l'attribut par la voie du Aql, de la raison humaine, alors on peut concevoir cela par la voie de an-naql, de la transmission des textes, de la révélation. Or, est-ce que cela nous a été transmis ? Est-ce qu'on retrouve cela dans la révélation ? Non. Allah Azza wa Jal ne nous a pas enseigné, informé au sujet du comment. Allah, par exemple, au sujet de l'istiwa, il nous a informé qu'il s'est élevé, établi au-dessus de son trône. Mais Allah Azza wa Jal nous a pas informé au sujet du comment de son élévation et de son établissement sur le trône. Donc regardez, vous allez mieux comprendre ce que dit Shir. فَإِنَّهُ يُدْرَكُ بِطَرِيقِ النَّقْلِ. Donc on pourrait concevoir cela par la voie de la transmission, de la révélation. Or, وَلَا يُنْقَلْ وَلَمْ يُنْقَلْ. Or, ça n'a pas été transmis. وكلام الإمام مالك رحمه الله لما قال غير معقول يعني نحن لا نثبت الصفات ولا كيفيتها بالعقل فنحتاج إلى نقل ولا نقل في هذا. Et la parole de l'imam Malik, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Écoutez bien, c'est très important. Elle sous-entend que notre croyance est que nous ne pouvons affirmer un attribut d'Allah Azza wa Jal, ni le comment de celui-ci par la voie du aql, par la voie de la raison. On ne peut pas affirmer un attribut ou bien le comment d'un attribut par la voie de la raison humaine. فَنَحْتَاجِ إِلَى نَقْلٍ. On a besoin de quoi ? De naql, de la transmission, c'est-à-dire à partir de la révélation. وَلَا نَقْل فِي هَذَا. Or, on n'a pas de transmission sur ça, ça ne nous a pas été transmis. Allah Azza wa Jal nous a pas donné la connaissance de cela à travers son livre et ni son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, du fait que depuis les premiers siècles, les grands savants de la Sunna nous enseignent que le comment de l'attribut, on ne le connaît pas, à plus forte raison de ne pas s'imaginer le comment de l'attribut. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de comment ? Si nous nions la connaissance du comment de l'attribut, est-ce que cela sous-entend qu'il n'y a pas de comment ? Là, non. Il y a un comment. Donc le fait que nous nions la connaissance du comment de l'attribut, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un comment. Al-Kayfiyya. Il y a Al-Kayfiyya, sauf qu'Al-Kayfiyya, le comment de l'attribut, pour nous, il nous est inconnu. Regardez, comprenez bien, c'est pour ça que l'imam Malik il dit Ghayru ma'qul wa version wa majhoul. Il est inconnu. Inconnu, ça sous-entend qu'il y a Al-Kayfiyya. Qu'il y a un kayf. Sauf que pour nous, Al-Kayfiyya est inconnu. Sinon, Allah Azza wa Jal, lui en est le connaisseur. Et il y a Al-Kayfiyya. Donc, l'imam Malik, donc il dit que pour l'istiwa, et c'est valable pour les autres attributs, on connaît le sens de celui-ci. Par contre, le comment pour nous, il est inconnu. Et regardez dans la version transmise ici dans le livre et l'œuvre de Cheikh Ibn Uthaymeen, il est dit « Ghayru ma'qul », c'est-à-dire que le kayfiyya n'est pas concevable par la raison humaine. « Faqala wa l'imanu bihi wajibun ». Par contre, il dit « La croyance en celui-ci est une obligation ».« Al-imanu bihi ay bil-istiwa'i wajibun ala al-ma'na al-ma'loum alladhi qala innahu ghayru majhoul ». Al-imanu bihi wajib. La croyance en celui-ci est une obligation. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire ? Que al-istiwa bil-istiwa wajibun. Croire en l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, du fait qu'il soit établi au-dessus de son trône, est une obligation. Al-ma'na al-ma'loum. Mais cette croyance selon le sens connu. Alladhi qala innahu ghayru majhul. Celui dont l'imam a dit que pour nous, il ne nous est pas inconnu. C'est-à-dire le sens de l'istiwa, pour nous, c'est pas inconnu, c'est quelque chose de connu. Li'anna Allah ta'ala akhbara bihi nafsuhu. Akhbara bihi nafsuhu. Wa talahu alayna rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وقرأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقروه إذا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أي إجماع الصحابة فوجب الإيمان به. Et du fait, et là c'est très important, du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a informé à son sujet de l'istiwa, c'est Allah qui nous informe à son sujet en disant qu'il s'est élevé, établi au-dessus de son trône. Et le prophète nous l'a récité, puisque le prophète a récité ces versets. Et les compagnons les ont récités, ces versets. Idan, on dit donc que par exemple l'attribut de l'istiwa, il est confirmé dans le Coran, la Sunna, et par le consensus des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose d'irrévocable. Donc, celui par exemple qui renie, réfute et nie l'attribut d'Allah Azza wa Jal à l'istiwa, le fait qu'il soit élevé au-dessus de son trône et établi au-dessus de son trône, il renie ce qu'Allah Jalla wa Ala a affirmé dans son livre, ce qu'a transmis le messager d'Allah, ce qu'il a récité, ce que récitaient les compagnons du prophète, et ce dont il y a unanimité et consensus. Il y a un accord dans cela. Une chose à comprendre, lorsqu'on dit, l'imam Malik a dit, que l'istiwa, pour nous, il ne nous est pas inconnu. On a dit, il sous-entend le sens de celui-ci. Par contre, al-kayf n'est pas concevable. Le comment de celui-ci nous est inconnu, donc il ne nous est pas concevable. Le fait qu'il dit que le sens ne nous est pas inconnu, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans les premiers siècles de l'islam, une tendance, une doctrine est apparue. Une doctrine est apparue. Leur croyance, à première lecture et première écoute, on pourrait confondre et penser que c'est le credo et le dogme des gens de la sunna. Puisque eux, leur doctrine était d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que eux, à la différence, ils disaient que le sens de l'attribut, on ne le connaît pas. De sorte qu'ils disaient, on affirme l'attribut de l'istiwa, on affirme l'attribut par exemple de sama, on affirme l'attribut de l'basar, on affirme sifat al-yad, sifat al-wajh, tous les attributs d'Allah, ils les affirmaient. Mais il disait « al-ma'na », le sens, on ne le connaît pas. Et d'une manière plus précise, il disait « le sens, on le remet à Allah, subhanahu wa ta'ala ». Il disait « nufawwidu al-ma'na ila Allah, subhanahu wa ta'ala ». Il disait que le sens, ils le remettent à Allah, jalla, jalalu. Et cette doctrine, plus tard, elle fut appelée « al-mufawwidu ». Al-mufawwidu. La doctrine de Ahlut Tafwid, c'est-à-dire ceux qui remettent. Il disait, nous, le sens, on l'affirme. À l'inverse des négateurs, de la doctrine de la négation, ce qu'on appelle Ahlut Ta'til, les partisans de la négation des attributs, eux, ils affirment. Et ils disaient, et prétendaient affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que eux, et ça, c'est ensuite, ce fut un grand débat. Il disait, par contre, nuthbit as-sifat, lakin, il disait, pour nous, le sens, ghayru ma'loum. Le sens est inconnu. Aussi bien al-kayfiyya, le comment pour nous est inconnu, aussi bien le sens est inconnu. Donc il disait, le sens, par contre, il faut le remettre à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nous, il disait, on n'a pas la connaissance du sens. Or, à l'époque, les grands érudits, les grands savants de la sunna n'ont pas accepté cette croyance. N'ont pas accepté le fait de prétendre dire que le sens, on ne le connaît pas. On le remet à Allah, Azza wa Jal. C'est pour ça, regardez ici, c'est pas en vain qu'il est bien stipulé. Al-istiwa ma'loum. Il est dit dans cette version-là, Ghayru majhoul, l'istiwa nous est pas inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, le sens, il est connu. Et c'est pour cela que Ahlut Tafwid, les gens de la doctrine, partisans de la doctrine du Tafwid, c'est quelque chose de particulier qui peut porter à confusion. Pourquoi ? Parce que eux affirment l'attribut, sauf qu'ils vont dire, vous ne pouvez pas prétendre connaître le sens. Le sens de celui-ci, il faut le remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important de le connaître. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, plus tard, cette croyance-là, elle fut attribuée à de grands imams. Et vous allez retrouver dans certains livres, par exemple, que certains, par exemple, prétendent, certains partisans de certaines doctrines, par exemple, concernant le domaine des noms divins et des attributs d'Allah Azza wa Jal, prétendent que tel imam ou tel grand imam, en fait, il était mufawwid. C'était des. Certains grands imams avaient adhéré, s'étaient attribués à de grands imams qu'ils avaient adhéré à Ahl, à la croyance de At-Tafwid, du fait qu'ils prétendaient que le sens, on ne le connaît pas. Comme ils ont, par exemple, prétendu que l'imam Ahmed, par exemple, avait adhéré à cela, et que la parole de l'imam Ahmed sous-entendait cela. Pourquoi je vous ai fait cette introduction ? C'est pour que vous compreniez un passage que rapporte Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc je vous ai dit, on va y revenir. On va y revenir. Pourquoi ? Parce qu'à première lecture, pour bien qu'on puisse comprendre la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, il fallait qu'on fasse cette précision. Comme ça a été transmis dans le livre L'Ummat al-Atiqad, d'après l'imam Ahmed, d'après l'imam Ahmed. Donc pour ceux qui ont le commentaire, à un moment donné, vous avez vu, il est dit فَإِنْ قِيلَ فَإِنْ قِيلَ مَا الْجَوَابُ عَمَّا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْأُمَّةِ الْإِعْتِقَادِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Quelle est la réponse ? Quelle est la réponse concernant ce que l'auteur de l'Ummat al-I'tiqad, l'Ummat al-I'tiqad, l'auteur Ibn Qudama, dans Al-Umma'a, qui est un épître, une œuvre concernant Aqida, concernant la Aqida et la croyance, il transmet d'après l'imam Ahmed que lorsqu'il fut interrogé concernant le hadith Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya, certes Allah descend au premier ciel d'ici bas, ou dans l'autre récit rapporté Inna Allah yura fil qiyama, que Allah azza wa jal sera vu le jour de la résurrection, wa ma ashbaha hadhihi al ahadith, et autres parmi ce genre de récits de hadith du prophète sallam, قال رحمه الله تعالى نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى بلا كيف ولا معنى. Donc peut-être à première lecture vous n'avez pas fait attention à ce point là c'est pour ça que lorsque je l'ai lu j'ai dit on va y revenir pour bien comprendre le siyak, le contexte et le déroulement. Donc certains rapportent que l'imam Ahmed, sur ces récits-là, lorsque la question lui a été posée, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, en ce qui concerne la tribu de la descente, car la descend au premier ciel, dernier tiers de la nuit, ou bien que Yura, il sera vu le jour de la résurrection, et ce genre de hadith, quand là, nous y croyons, on accorde foi, sans comment et sans le sens. Sans comment et sans le sens. Alors certains, par rapport à cette parole de l'imam Ahmed, ont dit, l'imam Ahmed a renié le fait de connaître le sens. Et donc c'est pour cela, certains ensuite ont pu attribuer à certains grands imams d'avoir partagé justement la croyance des gens du Tafwid. Les gens du Tafwid, on a dit, c'est la doctrine qui considère que le sens de l'attribut n'est pas connu. Et que celui-ci, on le remet à Allah Azza wa Jal. Or, depuis les premières générations, jusqu'à aujourd'hui, les partisans, les savants de la Sunna, enseignent et considèrent, et c'est ce qu'on a hérité depuis les premières générations, que le sens de l'attribut est connu. Est connu. La réponse, ici, concernant la parole de l'imam Ahmed, أن نقول مراد الإمام أحمد رحمه الله المعنى الذي سلكه المعتزلة المعنى الذي سلكه المعتزلة قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أراد المعنى المبتدع الذي ابتدعه المعتزلة وأشباههم. Lorsque l'imam Ahmed a nié le sens qu'il soit connu, c'est-à-dire le sens qu'il nie en réalité, véritablement, c'est le sens donné par Al-Mu'tazila et les doctrines équivalentes à Al-Mu'tazila. Vous savez, à l'époque de l'imam Ahmed, la doctrine d'Al-Mu'tazila s'était répandue. Et dans le monde musulman, elle commençait à l'époque de l'Empire Abbaside à devenir une épreuve pour les grands savants et les grands imams de son temps, de ce temps. Et là, les grands savants expliquent qu'en fait, l'imam Ahmed, il a nié le sens donné par Al-Mu'tazila et Wama Ashbahahum. Comme vous pouvez retrouver l'explication à cela dans la croyance qui est nommée Al-Hamawiyya. La croyance de Al-Hamawiyya par le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, l'imam Ahmed a sous-entendu ici le sens innové. Al-Ma'na al-Mubtada. Innové, alladhi ibtada'ahu al-Mu'tazila wa ajbahahum. Le sens innové par Al-Mu'tazila et leurs semblables. Et donc, de ce fait, on comprend que les grands savants de la Sunna n'ont pas adhéré à la croyance de At-Tafwid. Pour eux, comme le stipule l'imam Malik, et comme vous retrouvez ça dans de nombreux livres, le sens de l'attribut est connu. On a dit précédemment, donc, que par exemple, l'attribut de l'istiwa est confirmé dans le Coran. Et il dit c'est confirmé dans la Sunna. Et c'est confirmé par l'unanimité des compagnons. Ici, l'auteur va nous dire que certains savants, eux, ils considéraient que lorsqu'une chose elle est confirmée dans le Coran, eux se suffisaient de dire que c'est confirmé dans le Coran. Et ils ne rajoutaient pas forcément ensuite dans la Sunna. Et ensuite, le consensus des compagnons. À partir du moment où c'est confirmé dans le Coran, il se suffit de dire c'est confirmé dans le Coran. C'est pour ça que vous retrouvez certains, beaucoup de grands savants, eux relatent c'est confirmé dans le Coran, c'est confirmé dans la Sunna et l'unanimité des compagnons. Donc ils disent c'est confirmé aussi bien dans le Coran et la Sunna. Ils stipulent aussi la Sunna. Mais vous pouvez retrouver dans la méthodologie de certains savants, ça c'est des faoïdes pour se familiariser avec la méthodologie de certains, vous pouvez retrouver dans certains livres, dans certaines œuvres, que certains peuvent se restreindre dans leur terminologie par confirmer dans le Coran, tout simplement. Qalou, parce que eux, wa in kana ahlu l'ilmi, rahimahumullah, qad istalahu ala anna shay, idha kana thabitan bil Qur'an, la yaqulun innahu thabitun bis sunnah. Parce que Cheikh, lui, précédemment, il a cité que c'est confirmé dans le Coran et la Sunna. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, ensuite, il dit, même si certains savants, eux, considèrent que lorsqu'une chose, elle est confirmée dans le Coran, il se suffit de dire, c'est confirmé dans le Coran. Ils ne vont pas forcément stipuler que c'est confirmé dans la Sunna. لِأَنَّ ثُبُوتُ الْقُرْآنَ أَعْلَى مِنْ ثُبُوتِ السُنَّةِ. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une une chose est confirmée dans le Coran, c'est le plus haut degré. Et la confirmation du Coran, c'est le plus haut degré. Le degré est plus haut que la confirmation dans la Sunna. إِذْ إِنَّ السُنَّةَ مَهْمَ بَلَغَتْ فِي طُرُقِهَا لَنْ تَبْلُغَ مَرْتَبَ الْقُرْآنِ لَنْ تَبْلُغَ مَرْتَبَ الْقُرْآنِ. Pourquoi ? Parce qu'il dit, quel que soit le degré qui a atteint la Sunna, mais ça n'atteint pas le degré du Coran. فَلِهَذَا كَانُوا لَا يَقُولُونَ إِنَّ هَذَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. C'est pour ça qu'on retrouve dans la terminologie et la manière de faire de certains savants, si c'est confirmé dans le Coran, ils se restreignent à dire c'est confirmé dans le Coran. فَمَدَامَ أَنَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ الْقُرْآنِ. Tant que c'est confirmé dans le Coran, c'est le Coran. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَدِيثِ رَوَى الْبُخَارِي وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ. Il dit, vois-tu par exemple, quand un hadith, il est confirmé, il est recueilli, recensé par l'imam et rapporté par l'imam al-Bukhari. Et aussi, il est rapporté par l'imam Ibn Majah. Donc, par exemple, dans un récit, il y a un récit qui est confirmé et rapporté par al-Bukhari, vous retrouvez dans son recueil. Et un récit, le même récit, vous le retrouvez dans le recueil de l'imam Ibn Majah. Ibn Majah aussi le rapporte. وَأَرَدْتَ أَنْ تُخَرِّجَهُ. Et toi, par exemple, tu veux rapporter le hadith. فَإِنَّهُ مِمَّا لَا شَكَّ فِي أَنَّكَ تَقُوْ رَوَى الْبُخَارِي. Quand tu vas, toi, rapporter le hadith et transmettre qui est-ce qui rapporte le récit, tu vas dire l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Pourquoi ? وَيُنْتَقَدْ الرَّجُلْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُصْطَلَحِ وَهُوَ جَدِيرٌ بِالْإِنْتِقَادِ. Et la personne serait peut-être critiquée Par exemple, on pourrait mettre une petite critique ou une critique. Par exemple, celui qui rapporte le hadith et dit c'est rapporté par Ibn Majah. Et omet de dire qu'en fait c'est rapporté par le Bukhari. Ou bien il devancerait Ibn Majah en disant c'est rapporté par Ibn Majah et le Bukhari. Pourquoi ? Parce que l'authentique de le Bukhari, le degré est plus authentique. Et le, donc, al-Bukhari prévaut sur le rapport de Ibn Majah. Donc la personne pourrait se contenter de dire c'est rapporté par al-Bukhari. لو خرج حديثا وساق حديثا للاستدلال به أخرجه ابن ماجه والبخاري فيذكر ابن ماجه ويسكت عن البخاري لأنك تريد أن تثبت الحديث لتستدل به فهل تسلك الطريق الأضعف وتترك الأقوى؟ Et dis donc toi lorsque tu vas rapporter le récit, est-ce que tu vas citer c'est rapporté par Ibn Majah et te garder le silence sur le Bukhari? Et donc tu vas citer la voie la plus faible en évitant de citer la voix la plus forte. Il dit, là, non. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ Et sur ce sujet-là, justement, il dit qu'Ibn al-Qayyim rapporte d'après son cheikh, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, إِنَّ أَفْرَادَ بْنِ مَاجَ رَحِمَهُ اللَّهِ كُلُّهَا ضَعِيفَ Ajib ce qu'a cité cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit en fait, Ibn Qayyim il dit que son cheikh, donc c'est quelque chose de très subtil qu'il va citer, Filem al-Hadith, donc on voit, et là vous allez voir que le cheikh al-Islam était un grand savant, hatta Filem al-Hadith. Regardez ce qu'il va dire cheikh al-Islam Taymiyyah, ce que rapporte Ibn Qayyim de son cheikh. Il dit qu'en fait son cheikh rapporte et disait que Ibn Majah dans les Afrad, Afrad Ibn Majah, que sont les Afrad? Afrad ibn Majah, c'est les hadiths qu'il a rapportés, dont il est le seul à rapporter. Vous savez, par exemple, dans d'autres recueils, dans le recueil de Abu Daoud, d'Ibn Majah, et d'autres compilateurs et rapporteurs de récits, il y a beaucoup de récits dans leur recueil, ce ne sont pas les seuls à les rapporter. C'est-à-dire que des récits que vous allez retrouver dans Ibn Majah, ils sont rapportés par Muslim. Vous allez les retrouver dans l'authentique de Muslim. Vous les retrouvez dans le Bukhari. Vous les retrouvez dans d'autres recueils, peut-être dans Abu Daoud et d'autres recueils. Et là, Cheikh Semtain, il dit par contre les récits que seul lui rapporte, qu'on ne retrouve pas dans d'autres recueils, il dit sont tous faibles. Ils sont, il dit Kulluha da'ifa, yani, man farada bi ibn Majah wa kharrajahu min bayn al kutub sitta fa huwa fil ghalib da'if. Le sens de cela, il veut dire que tous les récits que Ibn Majah rapporte et compile dans son recueil, qu'on ne retrouve pas dans Kutub Sitta, dans les six autres recueils, dans le recueil de Tirmidhi, dans le recueil d'Abi Daoud, dans le recueil de Nasaï, et aussi avant, dans le recueil de Bukhari et Muslim. Lorsque je dis avant par rapport à la classification Tartib lorsqu'on dit Kutub Sitta. Tous les récits donc qu'il rapporte seuls, sans qu'ils soient cités dans d'autres recueils, ça veut dire en fait ce qu'il veut dire, la majorité sont faibles. La majorité sont faibles. Taïb. Wassu'alu anhu bid'a. Ensuite, il dit, pour terminer, l'imam Malik ensuite, lorsque donc il a dit quatre choses. Et ça, c'est une règle qu'on peut appliquer pour tous les attributs. Donc le sens est connu. Le comment est inconnu. La croyance en celui-ci est une obligation. Et poser la question est une interdiction. L'interdiction est une innovation. Donc, la croyance en celui-ci est une obligation. Et poser la question est une innovation. Donc poser la question sur le comment de la tribu, c'est une bid'a. Sauf que lorsqu'il dit wassu'alu anhu bid'a, ay as-su'alu 'an al-kayfiyyati bid'atun. C'est-à-dire que la question au sujet du comment, à propos du comment, est une innovation. Quand le shir dans l'explication, il dit li sababaini, pour deux causes. Il dit as-sababu al-awwal, première cause, pourquoi poser la question en ce qui concerne le comment, est une innovation. La première cause, c'est que les compagnons n'ont jamais posé la question du comment de la tribu. قال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسألوا عن ذلك ونحن نشهد الله ونعلم أن الصحابة أحرصوا منا على معرفة الله وصفاته ومع ذلك لم يسألوا. Et regardez ce que dit l'auteur ici. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, et nous on prend Allah en témoin que les compagnons du prophète كانوا أحرص الناس منا, ils étaient plus désireux, plus consciencieux de connaître Allah et ses attributs. Et ils étaient plus consciencieux dans la connaissance d'Allah et de ses attributs que nous. Mais malgré cela, ils n'ont jamais posé la question du comment. Et malgré cela encore, s'ils auraient posé la question, cette question-là, sur le comment des attributs, ils auraient posé la question au plus connaisseur, au messager d'Allah, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au plus savant parmi ceux qui pouvaient leur répondre au sujet du comment. Wa huwa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الْمُقْتَدِي لِلسُّؤَالِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَانِعِ وَلَمْ يَسْأَلُوا عُلِمَ أَنَّ السُّؤَالَ بِدْعَ. Maintenant, écoutez bien. La phrase que va dire l'auteur ici, Shir, est très importante. Dans le fait pourquoi on considère donc poser la question est une innovation. Parce qu'une personne pourrait se poser la question, pourquoi l'imam Malik a dit bid'a? Pourquoi? On peut dire que il est interdit, tout simplement, de dire ou de poser la question du comment. S'interroger au sujet du comment de la tribu, c'est interdit. On ne le fait pas. Mais là, l'imam Malik a cité bid'a. C'est une innovation. Pourquoi les savants considèrent questionner sur le comment est une innovation? Parce qu'il vient de citer précédemment que les compagnons auraient pu interroger le prophète, sallam. Ils ne l'ont pas fait. Alors qu'eux étaient plus consciencieux que nous au sujet de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et la connaissance de ses attributs. Mais regardez la dernière phrase, qu'est-ce qu'il va dire? Retenez bien cela. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ. Lorsque la cause est existante, je vous traduis à peu près littéralement, lorsque la cause est présente, est existante, لِسُؤَالِ, pour la question, مَعَ عَدَمِ الْوُجُودِ en مَعَ عَدَمِ الْوُجُودِ الْمَانِعَ, et que l'empêchement de celle-ci est inexistante, c'est-à-dire وَلِسُؤَالِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُودِ الْمَانِعَ, alors qu'il n'y a pas d'empêchement en quelque sorte, alors qu'il n'y a pas d'empêchement pour poser la question. Donc regardez, je vous répète. Lorsque la cause pour poser la question est existante, est possible, et que l'empêchement de celle-ci n'est pas impossible. وَلَمْ يَسْأَلُوا. Et eux n'ont pas demandé. Regardez. إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الْمُقْتَدِ لِلسُّؤَالِ. Si on trouve la cause qui implique, littéralement je vous traduis, si on trouve la cause qui implique de poser la question avec la non-existence de l'empêchement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empêchement de poser la question, donc il y avait la cause qui implique de poser la question avec le non-empêchement de poser la question. وَلَمْ يَسْأَلُوا. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, rien ne les empêchait, les compagnons, de poser la question. Est-ce qu'il y avait la cause qu'aujourd'hui les gens prétextent pour poser la question? Bah, la cause. Al-Muqtadi, fa'idha wujida sababu al-Muqtadi, la cause était présente. La cause dont certains prétextes pour poser la question, à l'époque des compagnons, elle était présente. Et il n'y avait rien qui les empêchait de poser la question. Eux ne l'ont pas posé la question. Si eux, à ce moment-là, n'ont pas posé la question, alors on sait que la question, donc, est une innovation. C'est quelque chose de mubtada. Parce que ceux qui posent la question au sujet du comment, ce qui les pousse à poser la question, les compagnons, à l'époque, cette cause-là aussi était présente. Par contre, eux ne l'ont pas posée. Est-ce qu'ils avaient un empêchement de poser la question? Non, rien ne les empêchait. Une personne pourrait prétexter en disant oui, mais eux, il y avait quelque chose qui pouvait les empêcher de poser la question. Non, rien leur empêchait de poser la question. Au contraire, les versets étaient révélés, le prophète leur transmettait les versets et eux, ils avaient le messager d'Allah pour poser les questions. Ils n'ont jamais demandé sur le comment de la tribu. Ulima, on comprend donc, et les savants ont déduit donc, regardez, c'est très subtil. C'est pour cela que les savants ont déduit que la question au sujet du comment est une innovation, c'est une bida. Et regardez, c'est très pertinent parce que l'imam Malik a dit « et poser la question à ce sujet est une innovation ». Ça, c'est la première cause. Donc ça, c'est la première cause pour laquelle on considère que c'est une innovation. Donc si une personne vous pose la question, pourquoi considérez-vous que poser la question au sujet du comment est une innovation? Pour deux raisons que nous enseigne l'auteur. Première raison, on vient de la stipuler. À l'époque des compagnons, il n'y avait pas d'empêchement. Rien ne les empêchait de poser la question. La cause était là, comme elle est présente aujourd'hui. La cause était présente à leur époque. Pourtant, ils n'ont pas posé la question. Deuxièmement, as-sabab athani. Annahu la yus'alu an hadha illa ashabul bid'ah. Haythu ya'tuna ila al-muthbita wa yamtahinunahum fi hadha as-su'al kayfa wajhu, kayfa nuzulu, kayfa ضحيك كيف تعجب وما أشبه ذلك إذا أن المثبتين وتحديا لهم ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره والحمد لله. Et là c'est très pertinent. Savez-vous la deuxième cause pour laquelle c'est considéré comme une innovation? Le Cheikh ici mentionne. Qu'est-ce qui connaît la deuxième cause? Regardez, c'est très pertinent. Il dit tout simplement parce que ceux qui ont interrogé au sujet du comment des attributs, ce sont les gens de l'innovation. Les seuls qui se sont posé la question et ont posé des questions au sujet du comment, ce sont les gens de l'innovation. Haïthou, du fait que parfois ils allaient chez les gens qui d'une manière naturelle, parmi les enseignements qu'ils ont hérités de ceux qui étaient avant eux, ceux qui affirment les attributs d'Allah, certains négateurs allaient vers eux en les testant, en leur disant « mais comment est l'attribut ?» et leur demander au sujet du « comment de l'attribut ?» à titre de défi. Si tu affirmes l'attribut, dis-nous alors le « kayfiyya », le « comment de l'attribut ?» Et donc cette question-là, c'était célèbre que ceux qui posaient cette question, c'était les hérétiques, les gens de l'innovation. Alors pour éprouver et tester les gens de la sunna et ceux qui affirmaient l'attribut d'Allah, alors ils allaient vers eux, ils disaient « comment est le visage ?» Car la préserve de poser ce genre de questions. Ils disaient « Kayfa nuzulu ?» Comment est l'attribut de la descente? Comment est sa descente? Ils disaient « Wa kayfa dhahiku ?» Comment est l'étonnement? Puisque Al-Ajab, ça fait partie des attributs affirmés. Alors, il citait des attributs comme Al-Dahik, le fait de rire, le fait de s'étonner, et ils interrogeaient ceux qui affirmaient les attributs pour les défier en disant comment est l'attribut? Et donc, cette question-là était célèbre à l'époque dans les générations anciennes, que c'était la question des innovateurs, pour porter préjudice et causer du tort à ceux qui affirment les attributs divins. Et c'était une sorte de défi qu'il leur donnait. C'est pour ça que, dans l'explication du Hassan, il dit peut-être, il y a probabilité que celui qui a posé la question à l'imam Malik, c'est à titre de défi. tu affirmes l'attribut de l'établissement et l'élévation au-dessus du trône, فكيف, comment s'est-il établi au-dessus de son trône? Il y a probabilité que ce soit le sens voulu. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره والحمد لله. Et Cheikh ensuite conclut cela en disant mais Allah Azza wa Jal a voulu parachever sa lumière. ثم قال الإمام مالك. Et ensuite pour terminer, on va terminer sur ce point-là. L'imam Malik a dit وما أراك إلا مبتدعا وما أراك إلا مبتدعا. Et ensuite l'imam Malik à la fin, il est rapporté qu'il dit comme l'a rapporté l'imam al-Bayhaqi dans son livre Al-Asma'u al-Sifat, que l'imam Malik à la fin a dit, et je ne vois que, tu es un innovateur. Je vois que tu es un innovateur. C'est-à-dire, il dit cela à celui qui lui a posé la question. Je vois que tu es un innovateur. Nahnu dhakarna sabiqan al-ihtimalat al-thalatha. Et là, Shir, il revient aux trois probabilités qu'il a citées au début de l'explication. Il a dit trois probabilités. Soit la personne a posé la question parce qu'il veut vraiment être orienté, soit c'est parce qu'il désavoue l'attribut, soit c'est à titre de défi. Les probabilités. Il dit, nous, Shir Marathimine dit ensuite, nous on a vu les différentes probabilités. Illa anna l'imam malikan qala ma araka illa mubtadi'an. Sauf qu'à la fin, l'imam Malik a dit, je ne vois que le fait que tu sois un innovateur. Imma munkaran ou mutahaddiyan. Donc, là, ça exclut donc la probabilité qu'il cherche une orientation, qu'il cherche vraiment à poser la question pour être orienté. Et donc, ça laisse deux probabilités, les deux premières. Soit la question, c'est à titre de désaveu, soit la question, c'est à titre de défi. À titre de tahaddi. Wa qad arafa dhalika min malamih al-wajh. Regardez ce que va dire Cheikh Ibn Uthaymeen. Il va dire parfois cela, comment l'imam Malik a pu ressentir cela, voir cela. Parfois il dit on le voit par les traces du visage, les traits de visage, l'expression plus précisément du visage. Parfois, Cheikh va nous expliquer que les expressions du visage ne trompent pas. Et certains parfois essayent de cacher leur ressenti, mais sont trahis par les expressions du visage. Ils essayent de parfois cacher leur intention. Regardez ce qu'il va dire. وَقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ مَلَامِحَ الْوَجْهِ لِأَنَّ مَلَامِحَ الْوَجْهِ تَدُلُّ عَلَى الْقَلْبِ. Parfois l'expression du visage, il indique ce qu'il y a dans le cœur. وَمَا أَبْطَنَ إِنسَانٌ سَرِيرًا إِلَّا أَظْهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِ. Il dit, parfois, une personne, il essaye de cacher quelque chose, mais Allah Azza wa Jal fait apparaître cela à travers l'expression de son visage, à travers ce qu'on appelle falatat al-lisan, ce qui va sortir de sa bouche, c'est-à-dire à travers ses propos. Mahama katama al-insan, quoi qu'il puisse vouloir cacher. فلا بد أن يظهر الله تعالى عيبه على وجهه. Allah Azza wa Jal peut faire apparaître cela à travers son visage. أو كماله على وجهه. والوجه صفحة القلب والمرأة القلب والإمام مالك تثرس في هذا الرجل أنه مبتدع. Et l'instinct de l'imam Malik ici fut que le questionneur Kana mubtadi'an, c'était un hérétique, un innovateur. Wa li hada hakama bi muqtada hadhihi al-firasa. Al-firasa, c'est l'instinct. Et les savants confirment l'instinct. Ils nient pas le fait qu'on puisse avoir un instinct. Attention, par contre, pas tomber dans un extrême. On lit pas, il nous a pas été dit de lire ce qu'il y a dans les cœurs. Personne sait ce qu'il y a dans les cœurs. Là, on parle de situation, ça peut arriver dans certaines situations, mais pas commencer à essayer de lire et de faire des procès d'intention à tout le monde. Non, parfois on dit dans des situations ça peut arriver, certains savants ont un instinct, et les savants confirment l'instinct, que des gens parfois on peut avoir un instinct, et certains propos, certaines apparences sont pas positives. Là, l'instinct de l'imam fut que cet homme était un hérétique et que la question, elle est posée par un hérétique, un innovateur. وَأَمَرَ أَنْ يُخْرِجَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَمٌّ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ. Regardez, et là on termine avec ça, mais l'imam Malik a ordonné que cet homme soit sorti, qu'il sorte. Et Cheikh, il explique que c'était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, la mosquée du prophète, c'est pour la masse, c'est pour tout le monde. Mais il a demandé que cet homme soit sorti de la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, li annahu mufsid. والامام مالك في المدينه له قوله وله ميزان ولهذا امر باخراجه لكن معبد الجهني وعمر ابن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمه الله لما سالوا عن القدر لم يامر باخراجهم بل اخبرهم بالحق ثم اعتزل الى مكان اخر في المسجد وجعل يقرران مذهب المعتزله لان لكل مقام مقال والإنسان قد يكون له وزنه في مكان دون مكان آخر. Et là, on a une observation de Cheikh, une faïda, regardez. En fait, depuis tout à l'heure, je vais arrêter. Depuis tout à l'heure, en fait. Mais la lecture, elle est tellement intéressante et pertinente que Cheikh, il termine un point, il ramène vers une autre faïda. Il dit, regardez, c'est vrai que ça a observé. L'imam Malik, lorsqu'il demande que l'homme soit sorti, il faut penser à la makana, le rang qu'a l'imam Malik. L'imam Malik, c'était l'imam de Médine. Les gens parcouraient des contrées à l'époque pour aller écouter et poser des questions et demander le fatwa à l'imam Malik. Et donc, l'imam Malik, c'était une des grandes références parmi les grands imams de Médine. Lorsque l'imam Malik va demander que cet homme soit sorti de la mosquée du prophète, ça a tout son sens et tout son poids. C'est pas n'importe qui a demandé que l'homme soit sorti. À ce moment-là, l'imam Malik, il a un rang immense à Médine. Au moment qu'il dit cette parole, comme il a toujours eu ce rang à Médine, depuis qu'il fut le grand imam de la demeure de l'Hijra. Et donc, son rang fait que lorsqu'il dit, il demande que cet homme soit sorti, le sens est grand. Ça a tout son sens. Là, c'est comme si l'imam Malik, il marque le coup, en quelque sorte, avec nos termes à nous. Et là, ça fait vraiment une portée d'attention. Donc, on voit que chaque contexte, en chaque circonstance, il y a des choses à prendre en considération. Regardez, il dit par exemple, la même situation fut à l'époque de l'Hassan al-Basri, à l'époque de Amr ibn Ubaid, par exemple. Ma'bad al-Juhani. À l'époque, il est rapporté, il dit que Ma'bad al-Juhani avait interrogé Al-Hassan al-Basri. Ma'bad al-Juhani, vous savez, à l'époque de Abdallah ibn Omar et des jeunes compagnons, c'est lui qui a rapporté cette croyance de la négation du destin. C'est l'un des leaders et des fondateurs de Al-Qadariya. Al-Qadariya, les négateurs du destin, qui a commencé à spéculer sur le destin et nier le destin. Et Cheikh dit, Lakin Ma'bad al-Juhani wa Amr ibn Ubaid. Il dit un jour, Ma'bad al-Juhani wa Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid, c'était le fondateur de Mu'tazila. Il y avait Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubaid. Lorsqu'ils ont interrogé, il dit, Al-Hassan al-Basri au sujet du Qadr, il a répondu à Hassan al-Basri, mais n'avait pas ordonné qu'il soit sorti. Par contre, il avait clarifié la vérité. Il avait répondu à leur question au sujet du destin avec vérité. Et c'est de là qu'ensuite, les deux, ensuite il a rapporté que « i'tazala ». « i'tazala ». Donc ici, Cheikh, il a mentionné Ma'bad al-Juhani ou Amr ibn Ubaid. Il est rapporté que les deux fondateurs de Al-Mu'tazila, c'était Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubaid. Al-Muhim, ici, dit qu'ensuite, les deux se sont isolés. C'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'ils se sont isolés des cercles de Al-Hassan al-Basri, ensuite, ils ont été nommés Mu'tazila. Ils ont été nommés al-Mu'tazila. Mais il dit, ثُمَّ اَعْتَزَلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرٍ فِي الْمَسْجِدِ. Ils se sont mis dans un coin, un autre endroit de la mosquée. وَجَعَلَ يُقَرِّرَ الْمَذْهَبَ الْمَعْتَزِلَ. Et entre eux, ils étaient en train de se prêcher la doctrine des Mu'tazilites. لِأَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ. Vous avez vu, donc, chaque circonstance a son propos. Lui, un insan qad yakun lahu wa waznuhu fi makanin duna makanin akhar. Là, à ce moment-là, une personne peut avoir un certain poids, un certain rang qui fait qu'il va dire certaines choses à certains moments selon les circonstances et le moment. Donc, le moment diffère. C'est pour ça qu'une très belle parole dit les kulli maqamin maqal. Et pour terminer, il dit, ces paroles de l'imam Malik, on pourrait les écrire avec de l'encre de l'or dans des parchemins d'argent. Subhanallah. C'est vraiment une parole qui est immense de l'imam Malik. Vous avez vu avec le temps, avec tous ces siècles et ces générations, comment on a hérité de cette parole, comment ensuite elle est citée dans les livres, comment elle est mémorisée. La majorité des gens, cette parole de l'imam Malik, ils la mémorisent. Ils l'ont appris. Regardez cette parole que l'imam Malik, à ce moment-là, il a dit, regardez, elle a parcouru des chemins, elle a été mémorisée, elle a été consignée dans des livres, elle a été apprise par cœur par les étudiants et elle a enseigné par les savants jusqu'à notre époque. Pensez-vous que l'imam Malik lui-même aurait pensé lorsqu'il répond de cette manière à cet homme que ça allait être ensuite écrit, retranscrit, recensé, être dans les livres et enseigné et mémorisé jusqu'à aujourd'hui, avec tous ces siècles qui se sont écoulés. Et jusqu'à nous aujourd'hui, en cette mosquée, on a appris la parole de l'imam Malik. Donc je vous conseille vivement, pour ceux qui ne l'ont pas mémorisé, de la mémoriser et de l'apprendre. Et regardez ce qui est rapporté de Al-Mu'tazila. Des Mu'tazila, ensuite qui est Amr ibn Ubayd, par exemple, qui s'est isolé des assises de Al-Hassan al-Basri. Comme cela faisaient les innovateurs à l'époque. Ils s'isolaient des cercles des gens de la Sunna. Et aujourd'hui, Ajib, on voit des gens de la Sunna s'isoler des cercles des gens de la Sunna en prétextant des prétextes. Or, ça, c'était le fait d'Ahl al-Bid'ah. Ahl al-Bid'ah s'isoler des cercles de science des gens de l'innovation. Et certains jeunes aujourd'hui, ils s'isolent des cercles des gens de la Sunna. Ils s'isolent des cercles de grands talabat al-ilm dans certains pays. Et lorsque vous leur demandez, c'est des innovateurs, ils disent non, c'est pas des innovateurs. C'est quoi? Mais ils s'isolent. Un grand talabat al-ilm dans un pays, lorsqu'il a vu le comportement de certains jeunes, de certains frères, Ajib, des savants des bachir de la sunna, il dit, prouvez les bid'ahs qu'on enseigne. Peuvent pas prouver. Pourquoi? Parce que ces grands talabat al-ilm qu'il y a dans certains pays enseignent as-sunna. Enseignent la sunna et les livres des gens de la sunna. Mais certains prétextant être de la sunna s'isolent des cercles des gens de la sunna. Que ce soit des savants, certains savants de la sunna, certains talabat al-ilm de la sunna, ça c'est alamat ahl al-bid'ah. Ça c'est les signes des gens de l'innovation de s'isoler, de s'éloigner des cercles des gens de la sunna. Vous leur posez la question, mais est-ce que ces savants-là, est-ce que ces étudiants-là sont des gens de l'innovation? Ils disent non. Ce sont des sarafiqa. Un terme qui n'était pas, qu'employait pas à l'époque les salafs concernant les gens de la sunna. Concernant les gens de la sunna. Ou ajib, et ils s'isolent du bien. Et ça, il faut faire très très attention de ces comportements-là. Ils ne vous disent pas que ce sont des innovateurs. Al-Mubtadi'a. Or, à l'époque, les gens de la sunna s'isolaient n'a réellement des innovateurs qui prêchaient réellement et véritablement l'innovation. Donc regardez l'incompréhension, jusqu'à où ça peut mener. C'est que certains frères sont dans certains pays, il y a certains savants, il y a certains grands étudiants, ils se privent d'assister aux cours, aux assises de savants connus et d'étudiants connus des gens de la sunna. Pourquoi? Tu dis, mais pourquoi tu t'assis pas sur le shir? Parce qu'il n'est pas d'accord avec mon cheikh. Parce qu'il n'est pas d'accord avec son cheikh. Donc, le cheikh, ou le grand talab al-ilm, par exemple, tous ses enseignements, tout ce qu'il prêche à la sunna, tout le ilm et tout ce qu'il transmet des grands savants contemporains et anciens, tout cela est caduque parce qu'il n'est pas d'accord avec son cheikh sur les mises en garde. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, c'est quelque chose qui n'ont pas hérité des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni des grands imams qui sont venus après. Donc parfois, on pense suivre la sunna, or, on est en train de dévier justement du chemin de la sunna. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum. Donc aujourd'hui, on a tardé un peu par rapport aux autres jours. Bon, c'était pour terminer l'explication de la parole de l'imam Malik. Allahu akbar.